بسم الله الرحمن الرحيم. Et نحن متعتذرون والله c'est parce qu'on te veut du bien, t'es un musulman et on espère que تستقيم وتترك هذا المنكر وهذا الضلال. Et on veut ton bien, لأن on croit en يوم القيامة, on sait ce que tu risques et on sait ce qu'on risque نحن كذلك. Enfin, on s'entraide dans le bien et on te montre tes erreurs. أما هذا والله لا يبالي بك. فهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه Al-Kalima, c'est la deuxième partie des Mulahadat et Bayan Ma Inda Al-Musamma Rashid Abu Hudayfa Mina Al-Inhirafi Wal-Jahl. Dans la première Kalima, on a démontré des choses qui contredisent clairement Al-Quran Wal-Sunnah, qui contredisent clairement Aqidat Al-Salaf Al-Salih, des paroles, des positions qui contredisent clairement Sunnat Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette deuxième kalima, on continue Bayan ma inda hada ar-rajul aslahahu Allah. Wa qabla an naqra, il faut savoir an al-asl, al-asasi, wa sabab ar-ra'isi de tout ça, ay man yatakallam bi mithl hada al-kalam al-ba'id 'an al-haqq. Et tous ceux qui parlent fi dinillahi azza wa jal bi ghayri haqq, il faut savoir que la cause principale, comme il a démontré Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, c'est sou'ul fahm 'an Allah wa rasulih, ay al-jahl, une mauvaise compréhension des textes. Li'anna la tadhunnun ma min munharif ma min za'ir wa illa, il appuie ses aqwal avec des preuves. Min al-Qur'an ou min al-Sunnah ou des paroles de Sahaba, des paroles de A'im. Lakin, ces preuves, elles ne sont pas à leur place. Imma, la raison, c'est l'ignorance, c'est le jahl. Ils croient que cette chose, elle veut dire telle chose, et un verset du Qur'an ou un hadith, ils pensent que la signification, c'est telle chose, enfin, ils l'utilisent, ils l'appellent à cette chose, et fil haqiqa, ce n'est pas hakata. Pourquoi? Parce que le dalil, il n'est pas à sa place. فالحذر يا إخوان والله on est pas à l'abri. La seule chose pour te mettre à l'abri, c'est la sincérité, al-ikhlas. ولا تتكلم إلا بعلم, ne t'avance pas dans un sujet إلا et على علم. Et كذلك الرجوع إلى أهل العلم, revenir aux gens de science pour comprendre ces textes. Tout ça bien sûr avec le dua, on fait le dua أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا. هذا c'est مهم. هذا الرجل الآن كلامه il est بعيد جدا عن الصواب. بعيد جدا. إلا الجهال il pense que ربما سمين الحكمة il pense qu'il a du علم. أما طلبة العلم ومن باب أولى العلماء لو ils entendraient هذا الكلام فيتعجبون أنه il est fondé sur le جهل. والسبب كما قلنا et on lit la parole de l'imam الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح قال سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام سوء الفهم. Donc on comprend bien une chose, ça ne suffit pas de revenir au texte. Là, tu dois revenir au texte et les comprendre. أي ces textes على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, أي avec la compréhension des salaf, as-sahaba ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى, bien sûr, avec, en espérant la satisfaction d'Allah. Et le but, c'est de les appliquer comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de les appliquer. Pas pour satisfaire un tel et un tel. قال ابن القيم, بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. نعم, donc la mauvaise compréhension, c'est la cause des égarements, des erreurs, des mauvaises interprétations, surtout si on ajoute à la mauvaise compréhension et à l'ignorance la mauvaise intention. وَلَعِيَدُ بِاللَّهِ سُوءُ الْقَصْدِ قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمِ فَيَتَّفِقْ سُوءُ الْفَهْمِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَا مِنَ الْمَتْبُوعِ مَعَ حُسْنِ قَصْدِهِ وَسُوءُ الْقَصْدِ مِنَ التَّابِعِ فَيَا مِحْنَةَ الدِّينِ وَأَهْلِهِ. صحيح, c'est une épreuve, c'est une balwa, c'est une catastrophe. رُبَّمَا, celui qui parle, ce da'i, il a une bonne intention. نعم, il a une bonne intention. لَكِنْ, sa mauvaise compréhension, son incompétence, son ignorance, un jahl qui suit ses passions et qui veut char, il va prendre les paroles de ce da'i et il va les appliquer. لِأَنَّ فُلَان, ce grand da'i, il a dit telle chose. Même s'il sait que c'est pas. Enfin, qui c'est qui est responsable? C'est celui qui parle. فَاتَّقِ اللَّهَ أَخِي الْكَرِيمِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Dis du bien, ou tais-toi. Et la mas'ouliya est azima fi ad-da'wa. Wallahi, la mas'ouliya est azima. Celui qui parle, il doit toujours se remettre en question et il doit toujours penser أنه يرندرا دي كونت. فالله المستعان. قال هداه الله, أي رشيد هذا. On continue الملاحظات. قال كما نشر في موقعه أو صفحته على بعض البرامج, قال أي يتكلم على الأولاد. Il parle des enfants et il parle, il a donné un exemple. T'as dans les doros précédents, ou dans le doros précédent plutôt, on a démontré à Nahou, il parle souvent d'être ouvert, d'être tolérant, d'être respectueux. Et on a démontré c'était quoi fil haqiqa son but fi hada, et on a démontré les erreurs. Wahuna, il démontre à il faut éduquer les enfants qui deviennent ouverts, kadalik. Et il donne un exemple, la cantine. Et il démontre à s'ils mangent du porc, matalan, أولاد الكفار أو العصا si mange du porc, قال ça ne t'empêche pas de s'asseoir à la même table. ثم il donne un autre exemple, il fait Noël, c'est pas ta religion mais tu respectes sa religion, tu respectes ses convictions. Tout ça ولله الحمد par rapport au respect des religions, de la tolérance. هذا تقدم في الدرس الأول. ثم قال organiser des choses, et il propose d'organiser des choses. Par exemple, il a cité visiter les églises pour les enfants. N'a'oudou billahi min al-inharaf. T'as pas trouvé de propositions, de projets, de choses pour ces enfants al-masakin qui sont à al-fitra, illa de visiter hadhihi al-amakin, amakin al-shirk wal-ilhad wal-kufr. Thumma al-musayban, après tout ça, yaqoul, t'inquiète pas, la fitra, elle est là. Wallahi, on s'inquiète. On s'inquiète pour toi, les annaka fatahta bab inhiraf, t'as une responsabilité, et on s'inquiète pour ses enfants, masakin. C'est quoi leur dhanb? Hatta ils visitent ces églises. Thumma, il a conclu, annahu qala, ils adorent Dieu, on adore Dieu. Il a répété plusieurs fois cette phrase. Ils adorent Dieu, on adore Dieu. Tambihum, anna ce mot Dieu, et huwa il l'emploie souvent. Contrairement à avant. Lakin, Rubama, c'est son changement, la contextualisation. Enfin, il emploie souvent le mot Dieu, l'an. Il dit plus Allah Azza wa Jal. Ah oui, il le dit, ahyanan. Lakin, souvent, il répète Dieu. Lianna, kathir min al-nas, lil asaf, khasatan fi bilal al-kufr. Ils osent plus dire le mot Allah Azza wa Jal. Allah, lafd al-jalala. Ou le mot kafir ou kuffar. Fahoua, il dit souvent ce mot. اعلم حفظك الله اخي الكريم اخي المستمع ان هذا الاسم الى ثابت لله عز وجل قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى نعم دونك الله سبحانه وتعالى سي نو ils sont parfaits, on n'a pas le droit de l'appeler avec ce mot Dieu. قد يقول قائل c'est une traduction, c'est pas une traduction. الله سبحانه وتعالى c'est le مألوه المعبود. La définition du nom Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite d'être adoré. Bihaq. Falimadha l'appeler Dieu. Est-ce que c'est un nom d'Allah? La. Est-ce que c'est une traduction? La. Enfin, pourquoi? Mathalan, hada al-jahil, il s'appelle Rashid, on l'appelle Rashid. On ne va pas traduire par celui qui guide ou l'a guidé. La. Rashid, c'est Rashid. Celui qui s'appelle Muhammad, on l'appelle Muhammad. فلماذا الله سبحانه وتعالى يشانج؟ تعلمون pourquoi؟ تعلمون لأنه هو الآن لو ouvert un باب أنه il faut plus choquer, il faut être tolérant, il faut se rapprocher. هذا الاسم لا يجوز. On n'a pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah. C'est le Rahman, c'est le Rahim, c'est le Qayyum, c'est l'Aziz, c'est le Jabbar. Donc on n'a pas le droit de l'appeler par un nom dont il ne s'est pas appelé subhanahu wa ta'ala. هذا أولا. ثانيا يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يدمونتر عز وجل أن أهل الكتاب النصارى واليهود وجميع الكفار أنهم leur دين il est fondé sur rien. قال عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أي vos أفكار votre عقيدة votre دين il repose sur rien, c'est du باطل. فpourquoi dire ils adorent Dieu, on adore Dieu. نحن on adore الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالاستسلام بالانقياد, on se soumet, c'est une soumission totale, on n'a pas le droit d'adorer autre et on l'aime plus que tout سبحانه وتعالى. Comment comparer cette adoration, cette ni'ma azima, comment la comparer avec l'adoration de هؤلاء المشركين الكفر؟ قال الإمام المفسر عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسيره أي قل أي قل يا محمد يا أهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم لستم على شيء أي on doit démontrer avec clarté أنهم ils sont à la باطل. On doit le démontrer à nous-mêmes, on doit le démontrer à nos frères, on doit le démontrer à nos enfants. كل بقدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما emmener nos enfants في هذه الأمكنة أي les églises, كذلك leur démontrer أنهم il faut être tolérant, il faut respecter les convictions, ils adorent Dieu, on adore Dieu, فأين أنت من الآية؟ أين أنت من هذه الأصول العظيمة؟ C'est un kalam khatir jiddan. نحن لي الآن des passages du Coran الكريم avec أقوال أئمة et on s'aperçoit أن قول هذا الرجل, ces paroles sont بعيدة جدا كل البعد. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه من الأمور الدينية فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم. Il démontre pourquoi هؤلاء ils sont à la باطل, leur dîne repose sur rien. لماذا؟ لأنهم ils ont pas cru au Coran, ils ont pas cru à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, بل ils ont pas suivi leur nabi, ils ont pas suivi leur livre que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a révélé. قال ولا بحق تمسكتم ولا على أصل اعتمدتم. Ni fondement ils s'accrochent, ni principe, ni حق, ما لهم شيء. فلماذا هذا التعظيم؟ Pourquoi ce respect زائد؟ Pourquoi cette tolérance بعيدة جدا عن النصوص؟ Ils adorent Dieu, on adore Dieu. قال عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. C'est sur ça qu'on doit élever nos enfants. يا إخوان ولا نخاف في الله لومة لائم. On éduque nos enfants à la هذا أنهم ils sont à la باطل, أنهم c'est des مجرمون, أنهم c'est des كفر. Tout ça bien sûr avec الأخلاق الطيبة, avec الحكمة. Et celui qui peut faire الدعوة بالتي هي أحسن فالحمد لله. أما أبغير هذا الباب باب شر فسان باب ضلال وانحراف. وقال عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. اليهود ils ont prétendu أن عزير c'est le fils d'Allah والنصارى ils ont prétendu أن المسيح c'est le fils d'Allah. ثم هذا الجاهل يقول il dit on adore Dieu, ils adorent Dieu. وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu عدي بن حاتم avant que ça devient un musulman. Il est encore nasrani. Annahu yaqra ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. فقلت له إن لسنا نعبدهم. أي c'est Adi qui a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. فقال Adi لأنهم il comprenait la langue arabe. فقال إن لسنا نعبدهم. Enfin, il a compris du verset أن الله سبحانه وتعالى démontre أنهم ils adorent leur أحبارهم ورهبانهم leur prêtres, leur guides, etc. فقلت له أي Adi قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. النبي صلى الله عليه وسلم يدمونت أنهم يغنط حلال سكو الله إلى انتغدي يزانتغدي سكو الله إلى غنجو حلال. فقال عدي بلى إلى أدمي لدي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم تلك عبادتهم. Chose que vous faites, c'est une ibadah, vous les adorez en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Qala al-jahil, hada, on adore Dieu, ils adorent Dieu. Ils adorent le batil, ils adorent al-shahawat. Naam, ils ont délaissé al-haq, bi kulli wudu' wa ta'ammal ma'i. Ma ja'a fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith al-Tajalli yawm al-Qiyamah, al-hadith al-Mashhur al-Ma'ruf, قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بجهنم تعرض يوم القيامة يؤتى بجهنم جهنم l'enfer il sera rapproché فيقال للنصارى ما كنتم تعبدون. Qu'est-ce que vous adoriez أي في الدنيا, c'est quoi cette chose que vous adoriez. فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم. Ils vont dire on adorait المسيح ابن مريم. فيقال لهم كذبتم أي vous êtes des menteurs. لم يكن لله صاحبة ولا ولد. Donc ça nous démontre أن القوم ils adorent pas Allah عز وجل. فلماذا هذا التلبيس, faire croire à ses enfants et à autres من المسلمين أنهم il faut respecter, ils adorent Dieu, on adore Dieu, c'est des croyants, on est des croyants, فpourquoi se détester. C'est ça son but, c'est ça son but. فانتبهوا يا إخوان. Et mettez en garde contre هذه الأفكار et contre صاحب هذه الأفكار. C'est des أفكار خطيرة جداً. جداً. Si cet enfant, il grandit avec cette pensée et cette pensée, elle rentre dans son cœur, c'est خطير جداً. Il ne comprendra plus beaucoup de choses de notre dîn, beaucoup de versets, beaucoup de hadith. قال صلى الله عليه وسلم فما تريدون أي dans le hadith فيقولون نريد أن تسقينا أي يوم القيامة. Qu'est-ce que vous voulez, ayyuha an-nasara? Ils vont répondre, ay ces chrétiens, on veut boire. Fayuqalu lahum ushrubu fayatasaqatuna fi jahannam. Vous voulez boire? Fa ils tombent tous fi jahannam wal iyadu billah. Fa c'est cela que hadha ar-rajul il veut démontrer annahum ils adorent Dieu. Ils adorent al-hawa. Et ils adorent ash-shar wal iyadu billah. Donc cette comparaison entre notre adoration et leur adoration, c'est min al-batil. Et ça montre أن الرجل son mu'taqad il est fasid جدا. قال عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Est-ce que tu veux comparer une chose incomparable? Est-ce que tu veux comparer al-tayyib bil-khabith? Est-ce que tu veux comparer al-tawhid bil-shirk? Et al-musiba, là où il aurait cette aqida, il ne l'appelle pas. On le conseille et on lui montre. Lakin, il démontre et il appelle هذا بوضوح بل à des enfants masakin. وقال هداه الله. Après هذا, on répète son kalam, قال, ça ne t'empêche pas de t'asseoir à la même table. Et ceux qui mangent du porc à la cantine, il fait Noël, c'est pas dans ta religion, mais tu respectes sa religion, tu respectes ses convictions. Thomas, il a démontré, il faut organiser des choses. T'inquiète, la fitra, elle est là, il a akhir. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il nous démontre أن en tant que مؤمن en tant que croyant on doit préserver nos enfants, nos proches et on doit se préserver nous-mêmes. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum ay alwiqaya. Tu fais attention, tu préserves, tu protèges autant que tu peux ton nafs min adh-dhaya, min adh-dhalal, min al-halak, et كذلك tu protèges ahluk min an-nar. قال الامام ابن كثير رحمه الله عليه وقال قتاده رحمه الله تأمرهم بطاعة الله. Comment tu vas préserver cet enfant ou cette femme ou ce proche? قال قتاده رحمه الله عليه وهو من ائمه السلف تأمرهم بطاعة الله. Tu leur enseignes, tu leur montres les obligations. وتنهاهم عن معصية الله. Et tu leur montres ان المعاصي سحر. قال وان تقوم عليهم بامر الله وتامرهم به وتساعدهم عليه فاذا رايت لله معصيه زجرتهم عنها. C'est comme ça que tu préserves les enfants, et c'est ça l'éducation des enfants ala kitab Allah wa ala sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Naam, l'éducation c'est pas en visitant les églises, c'est pas en se rapprochant des kafars. بل بهذا tu leur fais du mal et t'as une responsabilité يوم القيامة. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية أو راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. مسؤولة, l'homme, il est responsable de sa famille, et la mère, elle est responsable de sa maison, de ses enfants. Elle est où la responsabilité de emmener ses enfants? Alors qu'il n'y a aucune haja, il n'y a aucune daroura, il n'y a rien. Tout ça, on le répète pour faire plaisir. Tout ça pour démontrer, comme il le dit, je ne suis pas un salafi. C'est واضح que tu n'es pas un salafi bihad. C'est واضح. Lakin la tazun. أن تغبخش دي كفار صعبة تلوفي أبدا. سكي إلاف ستقوى الله, سكي إلاف ستمسك بالحق, سكي إلاف الشخص سالصدع بالحق والصبر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعيد min Allah subhanahu wa ta'ala, une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a une responsabilité et il préserve pas cette amana, il préserve pas cette chose dont Allah subhanahu wa ta'ala il l'a rendu responsable. Ses enfants, ils sont ala al-fitra, ses enfants, ils ont un haq. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il voulait le khayr pour les enfants, hadith ibn Abbas qala alayhi sallallahu sallam ihfad Allah يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Il démontre à cet enfant Ibn Abbas احفظ الله اي préserve la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te préservera. هكذا on doit élever nos enfants. اما les emmener à l'église, et cet enfant تعلمون il peut pas ميز, il connaît pas مسكين, il peut être impressionné. Un kafir من هؤلاء الكفرة, il peut lui mettre une shubha, والله il lui donne un bonbon, ربما ça devient une shubha pour cet enfant toute sa vie. Il pense anna an-nasara ils sont ala khair. Qala al-imam al-munawi rahmatullah alayhi fi faid al-qadir yu'addib ar-rajul waladahu 'indama yablugh min as-sin wal-'aql mablaghan yahtamilu dhalik bi an yunshi'ahu 'ala akhlaqi sulaha' al-mu'minin wa yasunahu 'an mukhalatati al-mufsidin. C'est ça la tarbiya as-sahiha 'inda a'immat al-islam. Tu veux préserver cet enfant, l'éduquer. فَعَلَيْكَ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ تَأْذِيب. Tu lui montres ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ أَنَّهُ c'est bon ou mauvais. Pas les passions, pas ton avis, pas ce qu'ils font les gens. أَبَتَن. قَالَ بِأَنْ يُنْشِئَهُ عَلَىٰ أَخْلَاقِ صُلَحَاءَ الْمُؤْمِنِينَ. Enseigne à tes enfants sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sirat al-Salaf, sirat ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur lis les efforts de a'immat al-Islam min al-ulama al-mutaqaddimin wa al-mu'asirin. Hakada hatta cet enfant bi'idhnillahi azza wa jal, il est élevé, il grandit ala hadha al-khayr et il sera touché. Amma, dès son plus jeune âge, les églises, ثم سأوفر ان باب ربما أعظم. Fait quel bien tu attends de cet enfant? Et c'est qui le responsable? C'est مثل هذا الجاهل qui appelle à هذا. فاحذر أخي الكريم من مجالسة المفسدين وانتبه لولدك. C'est une مسؤولية عظيمة كما تقدم في الحديث. وتأمل معي حرص أئمة الإسلام في مجانبة الباطل وأهله. فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه هذا الرجل أبو حذيفة رشيد هذا يبخيطان كما vous a cité dans le premier درس أنه يسوي الإمام مالك il a changé sa compréhension. ربما بعضهم يزنطن هذا الكلام يظنون أن الرجل متمسك بمذهب الإمام مالك. أين الإمام مالك وأين هذا المتخبط؟ قال الإمام مالك رحمة الله عليه ويكره الركوب معهم في السفن. Il parle un de النصارى. Comparer la parole de l'imam Malik qu'on va lire avec la position de Rashid. Comparer. قال ويكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم. حتى les السفن أي les bateaux, les barques qui prennent pour aller faire leur aïad de shirk et de dhalal, l'imam Malik montait avec eux dans ses barques, dans ses bateaux. يكره ذلك. تعلمون أن الكراهية عند كثير من أئمة الإسلام السلف المراد التحريم أنه حرام. قال ويكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم. Ne monte pas avec eux. لماذا؟ قال لنزول السخط واللعنة عليهم. لنزول السخط الله سبحانه وتعالى يسخط عليهم ويلعنهم. فpourquoi tu iras avec eux؟ فنحن الآن est-ce que les églises فيها رضا الله عز وجل التوحيد الخير؟ On pose cette question. أبدا لا أحد يقول بهذا من المؤمنين العقلاء. بل الشرك والعياذ بالله والزنا et tous les scandales الآن que tu entends par rapport aux églises et الاختلاط et التصوير et الشرك الواضح tout ça. فلماذا ces enfants qui sont على الفطرة ils iraient se mélanger avec eux؟ ألا تخاف عليهم من نزول البلاء أو السخط أو اللعنة والمصيبة وغبت أنه يدي هذا يقول تنكيت لفطرة ألا لا يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمة الله عليه وغيره من يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين أبو الأنبياء يدمد الله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله préserve moi et préserve mes enfants d'adorer les idoles. يخاف على نفسه ويخاف على أولاده مع أنهم كما on a démontré dans le premier درس أنه إلى هاجر المشركين. Et il les a délaissés, son père et autres, لله سبحانه وتعالى. Avec tout ça, il a peur à la nafsi. Ibrahim, il est à la ilm, il est à la taqwa, il est à la iman. C'est Khalil al-Rahman. Avec tout ça, il a khaf à la nafsi wa à la auladihi. Wa hadha yaqul, t'inquiète, la fitra alayla. Fa hadha c'est min ajaib hadha al-rajul. Na'oudu billah min al-inhraf. Qala l'imam al-Bukhari fi sahihih, babun hal yarji' إذا رأى منكرا في الدعوة. الإمام البخاري dans son صحيح il a cité un chapitre. Est-ce que celui qui voit un munkar dans un endroit alors qu'il a été invité, que ce soit une aqiqa, un mariage, etc., est-ce qu'il a le droit de faire demi-tour et ne pas rentrer? ثم il a rapporté عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى أي ابن مسعود il a vu سورة في البيت فرجع. Ibn Mas'ud, il a été invité, il a vu une sourate dans une maison, une photo. Il a fait demi-tour, il n'est pas rentré. وهذا, il nous dit, on visite les églises. وفي حديث عائشة, رضي الله تعالى عنها, الإمام بخاري كذلك, il l'a cité في الصحيح, قال, عن عائشة نعم, il a cité بالسند, أنها اشترت نمرقة, أي وسادة, un oreiller. فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم son bayt, sa femme, radiyallahu ta'ala anha, un oreiller avec des représentations, et Aïcha, radiyallahu anha, elle ne savait pas. C'est pour ça que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va la conseiller, elle va délaisser hada. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne rentre pas. فقالت عائشة رضي الله عنها قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة نعم هكذا المؤمن يغضب يغضب dès qu'il voit du haram. Pas comme il dit هذا أنه il faut être ouvert, il faut avoir le sourire, il faut avoir le sourire même quand tu vois le haram. هذا c'est un manhaj, il est عجيب. قال فعرفت في وجهه الكراهة فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله. هكذا المؤمن quand il est conseillé. هكذا المؤمن, ça arrive de faire des erreurs. On fait tous des erreurs. كل بني آدم خطا. لكن quand on te montre, quand tu t'aperçois et on te montre هذا الحق بوضوح, أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بل هذه النمرقة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à Aïcha, c'est quoi cet oreiller avec ses représentations? فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا. Pourtant, c'est pour le Nabi alayhi sallatu wa sallam. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui démontre que ceux qui font ces représentations, يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. On revient à il faut aller visiter les églises. Dans les églises, tu trouves des images, tu trouves des statues. Tout ça, en plus, ils sont adorés, min dounillah. Ils représentent Maryam, ils représentent Aqsad Isa. Tout ça, c'est min bab al-shirk wa ta'abud wa al-'iyad billah. Et hada, il nous dit de visiter. Est-ce que tu vas visiter, tu vas enlever ce munkar? Est-ce que tu vas visiter pour effacer, détruire ces statuettes et ces images? Fa ma dhanb ha'oula al-atfal. Bel, l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, il a rapporté كذلك dans son sahih an Omar radiyallahu anhu annahu qala inna la nadkhul kana'isakum min ajli at-tamathil allati fiha was-suwar. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amir al-mu'minin après Abu Bakr, as-sahabi al-jalil al-mubashshar bil-jannah, yaqul annahu la yadkhul, il rentre pas dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des représentations et des images. Et al-ulama, ils ont détaillé cette mas'ala. Est-ce que tu peux rentrer dans une église pour faire salat ou pas, etc. Fait kutub al-fiqh ma'rouf. Lakin, il faut savoir, s'il n'y a pas de haja, il n'y a pas de daroura, khasatan s'il y a al-munkarat, fashtanib, akhi al-kalim. Fashtanib, surtout à notre époque, hadi, l'époque des fitan. Amma hadha, il veut organiser pour ses enfants d'aller visiter des églises. Na'oudou billah. Qala l'imam Malik, لم أو لا ينزل بها أي في الكنيسة إلا من ضرورة. هذا قول إمام مالك أيها المالكي المزعوم. إمام مالك رحمة الله عليه يقول tu rentres pas dans leurs églises sauf ضرورة. Il pleut, il fait froid, c'est l'heure de salat, tu trouves pas d'endroit, etc. وقال هداه الله. Dans un autre passage, un passage audio, يقول j'ai des amis non musulmans qui écoutent du rock et de la techno, et avec cela je les respecte énormément. Je les apprécie énormément. Je m'entends super bien avec eux. En bref, c'est ce qu'on appelle le respect et la tolérance. C'est ce qu'on appelle al-dhaya' wal-jahl wal-inhiraf. J'ai des amis non musulmans qui écoutent du rock et de la techno. Wallahi ya ikhwan. Là où on nous aurait dit il y a quelques années, bel il y a quelques mois, un an, doit répliquer un da'i qui soi-disant appelle à la sunna, qui appelle à l'islam et qui a des milliers de suiveurs, on doit répliquer annahu il a des amis des kafara, ce qu'il appelle des non-musulmans. Annahu huwa il n'ose pas, sourahatan. Il peut plus dire le mot kafir, il peut plus hatta Allah fadal jalal al-ain, il a du mal. Il dit plus le messager d'Allah, Rasulullah, souvent il dit le messager de Dieu, il dit Allah aslahak Allah. Qala j'ai des amis non-musulmans qui écoutent du rock et de la techno. هذا سمين العجائب. لكن للأسف والله في الحقيقة on a pas répondre à mettre ce niveau très bas. لكن c'est pour les suiveurs. لكن c'est pour les suiveurs. Et pour lui كذلك عسى الله سبحانه وتعالى أنه il ouvre les yeux et il réfléchit. وإلا هذا الكلام c'est un كلام il est كلام السفهاء. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول هو j'ai des amis non musulmans. أولا est-ce qu'un مسلم il va avoir des amis كفر. Faut savoir ce que ça englobe le mot ami. الصاحب الصديق. نعم t'as des liens avec lui, tu as beaucoup de choses. Un ami, ça peut être un confident, il va avoir de l'amour, il va avoir du respect, etc. قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره يقول تعالى ذكره المتخلون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا بعضهم لبعض عدو. Ceux qui prennent des amis fi dunya, et c'est pas des amis fi ta'atillah. Que dire l'un des amis, c'est pas des musulmans. Amma l'imam ibn Jarir al-Tabari rahmatullah alayhi, l'un, il parle de ahl al-ma'asi. Qala ala ma'asi Allah fi dunya, ba'duhum li ba'd adu, yatabarra ba'duhum min ba'd. Cet ami, il ne t'est d'aucune utilité fi dunya, bel wallahi aqrab fursa yakhda'uk. Hakad al-kafir. Ce n'est pas des personnes de confiance. Khanu Allah, wa khanu Rasoulah, wa khanu Kitabah. Et ils ont pas tenu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi leur Nabi. C'est un manque de confiance. Wa anta, ils vont te faire confiance et c'est des liens solides ma'ahum. Qala Ibn Jarir, illa alladhina kanu takhallaw fiha ala taqwa Allah. C'est cette amitié qui te sera utile. Fi dunya. Et fait l'akhirah. Amma, prendre ami, un kafir, c'était d'aucune utilité. Bel yawm al-qiyama, yatabarra amink. Wa qala ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, fi zad al-Masir, li'anna al-khulla, idha kanat fil kufr, wal-ma'asiyya, al-khulla, c'est un degré d'amitié. Qala, un degré fort, un des plus hauts niveaux. Qala, idha kanat fil kufr, wal-ma'asiyya, sarat adawatan yawm al-qiyama. يوم القيامة ça devient un adou. يتبرأ منك. Il te fera du mal. Pourquoi هذا? J'ai des amis non musulmans qui écoutent du rock et de la techno. هذه c'est une da'wa. Montre aux gens l'aqidah si tu connais l'aqidah. Montre aux gens comment faire salat si tu sais faire salat. Si tu as du ilm, propage l'ilm. Mais هذا pourquoi? Pourquoi tout ça? لأنه il avait dit un kalam sur la musique. Il n'a pas pu patienter. قاموا عليه. Et pour démontrer un nahula, c'est une métaphore. J'ai pas voulu dire ça. Tu l'as dit, biwadouh, taqillah vi nafsik. Donc, mal'an, il veut démontrer un je suis pas comme les autres, les salafis qui interdisent tout. Là, un j'ai des amis non musulmans. Wallahi, ses amis, ça yakhdou'ouk. La première occasion, wa satara. Qala, Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, li anna al-khulla, idha kanat fil kufr wal ma'siyya, sarat adawatan yawm al-qiyamah. نعم فهؤلاء سيسا جلساء هذا الرجل. J'ai des amis non musulmans qui écoutent du rock et de la techno et avec cela je les respecte énormément. نعم il rajoute respect et en plus énormément. Je les apprécie énormément. Tu les apprécies à la mada. Pourquoi tu les apprécies? Kafara. En plus ils font des ma'asi bi wadouh liannahu il le sait annahum ils écoutent du rock de la techno et ta'lamoun hal al kafara. Surtout هؤلاء qui écoutent du rock et de la techno. بعضهم يعبد إبليس مجانين هؤلاء يقول je les respecte énormément etc. والله هذا الكلام إلا بدي في إخوانه أهل السنة بل يطعن ويغمز ويلمز ليل نهار لعن أنهم sont trop durs أنهم sont dans un égarement évident أنهم et avec الكفرة أتباع إبليس je les respecte énormément je les apprécie énormément c'est normal يا إخوان لأن هذا le rocker هذا صاحب la techno هذا il va jamais lui montrer ses erreurs. Wallahi celui qui veut ton haq et celui qui veut ton bien انه il te montre عيوبك. Et نحن on te montre tes erreurs wallahi c'est parce qu'on te veut du bien tu es un musulman et on espère que تستقيم وتترك هذا المنكر وهذا الضلال. Et on veut ton bien لأن on croit يوم القيامة on sait ce que tu risques et on sait ce qu'on risque نحن كذلك. Enfin, on s'entraide dans le bien et on te montre tes erreurs. أما هذا والله لا يبالي بك لا يبالي بك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله Chaque personne, homme ou femme, il a la religion de son ami. Falindur, le Nabi sallallahu alayhi nous montre, attention, regarde, qui tu prends comme ami. Ahada, il prend des non-muslims qui écoutent du rock et de la techno. Ça sera un musulman qui écoute de la musique, tu dois t'écarter. Conseille-le, s'il ne veut pas t'écouter, écarte-toi, il te fera du mal. Ahada, un non-muslim, et il le respecte, il l'apprécie. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال ولا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي نصيحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ne prends comme ami et ne fréquente que le mu'min. J'ai des amis qal non musulmans. Comparez, on cite tous ces aqwal avec les hadiths. Hatta on montre à celui qui veut le haq, cet homme il prétend appeler à l'islam. Regarde ce que l'islam elle dit. Dans les quelques points qu'on a pris, fil iman, fil wala ou al-bara, fil le fait de fréquenter certaines personnes. Quelques points qu'on a pris depuis le début du premier cours, il a l'an, et comparez. On ne parle pas de nous-mêmes, l'an. On ne parle pas, les annahoua, on le répète souvent, il dit. Certains jeunes, yaqsad as-salafiyoun, ahl-as-sunna. Certains jeunes, ils prennent les paroles de certains savants contemporains, ils délaissent les preuves. Entre nous et toi, hadith Abi Sa'id fi hadhihi al-mas'ala. Wa la tusahib illa mu'minan. Qala al-'allama al-mubarak Furi rahmatullah alayhi fi tuhfati al-ahwadi, qala was-suhbah mu'athira fi islah al-hal wa fasadih. On répète. As-suhba mu'athira, ay tes fréquentations, ça te touchera fi islah al-hal wal fasad. Ça te touchera, imma tu seras amélioré, corrigé, tu progresseras si tu fréquentes as-salihin, imma tu chuteras et ta foi elle baissera et tu te feras du mal et tu t'égareras si tu fréquentes des mauvaises personnes. Al-mar'u 'ala din khalilihi qala alayhi salatu wassalam. الآن يا إخوان، vous comprenez pourquoi الرجل خاصة في الآونة الأخيرة، ces derniers mois انحرف جدا. Vous comprenez, c'est les fréquentations. Père Fabrice, Père Claude, هذا qui écoute du rock, هذا qui écoute la techno, il veut aller à l'église, il harb إخوانها أهل السنة أهل البدع حدث ولا حرج. Vous avez compris pourquoi il a atteint ce niveau. Là, je parle pas de l'apparence. Il y en a certains de nos frères, ils appuient beaucoup sur l'apparence. Il n'y a pas que ça, ya ikhwan. Wallahi, son mu'taqad, il est khatir jiddan, à lequel il appelle, même s'il aurait l'apparence d'un sunni. Lakin, cette apparence qu'a changé, c'est à cause, ou c'est la conséquence du changement du cœur. Inna fil jasadi mudra, idha saluhat, saluha al jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasad al jasadu kullu. قال المبارك فوري رحمة الله عليه والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وفساده. الآن on a compris pourquoi هذا الرجل تغير. Une des choses qui fait le plus du mal au dua إلى الله عز وجل et aux personnes en général, c'est les fréquentations. Fais attention. فلينظر أحدكم من يخالل. طبق ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. والله même si tu restes seul, تعبد الله عز وجل et t'apprends comme tu peux, t'es à la khayr. Amma, tu cherches toujours le grand nombre, toujours il faut qu'il côtoie un tel, ça c'est surtout à notre époque. Anna, al-mufsidoun, ils sont akthar min as-sulaha. Wala muqarana, on ne peut pas comparer. Fahdhar, akhi al-karim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabihi al-karim, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu an-nar. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون c'est se rapprocher d'une chose. قال عز وجل ولا تركنوا اي ne te rapproche pas de qui الى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم فne te rapproche pas des églises, ne te rapproche pas des kafara, écarte-toi des fasaqa, لان c'est une cause pour que tu sois touché par le nar. قال الامام مالك رحمه الله والدنو من أهل الباطل هلك الدنو. Et on l'a cité ce athar, cette parole de l'imam Malik, on l'a cité dans le premier dars. أنه celui qui se rapproche من أهل الباطل, c'est une porte de هلك. tu peux périr, wal'iyadu billah. Surtout ahl al-kufr wal-ilhad. Wa kadhalik ahl al-bid'a wal-shubuhat. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة. Beaucoup de personnes qui ont délaissé des ni'am ou ils ont été touchés par des problèmes, c'est à cause des fréquentations. هذا son hal à l'époque, il était ahsan min al-an. Pourquoi l'an ce changement total? Pourquoi ce rapprochement des kafara? Pourquoi ce kalam qui n'a rien à voir avec l'islam? Des choses غريبة جدا. Pourquoi? Parce qu'il a fréquenté des personnes. خاصةً quand il a eu une certaine notoriété, il a eu quelques suiveurs. فظن أنه خلاص il a une دعوة أنه si dit telle chose il peut la perdre. ثم il a pas eu de تميز. Il s'est mélangé. Pas d'ilm. L'iman il ضعيف. T'es une proie à toutes ces شبهات. Et le résultat, c'est ce que vous entendez là. Ces paroles غريبة. قال ابن القيم وهل كان على أبي طالب عند الوفاء أضر من قرناء السوء. Un exemple طيب. L'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام أبو طالب, c'est quoi qui lui a fait du mal? الرسول صلى الله عليه وسلم à la fin de sa vie, à la fin de la vie de أبو طالب, il allait mourir. النبي صلى الله عليه وسلم il lui fait دعوة. يعم قل لا إله إلا الله. Une kalima. Une kalima, le Nabi sallam, il lui démontre 17 kalima et je ferai shafa'a pour toi. Et il sera sauvé, لأنه يموت على التوحيد. يعم قل لا إله إلا الله. لكن القرناء الجلساء. Dans la pièce, il y avait un Nabi sallam, لكن il y avait Abu Jahl et un autre. أي من أصحاب أبي طالب. قال ابن القيم لم يزال به. Le Nabi sallam يقول قل لا إله إلا الله. Et eux ils disent أتترك أو أترغب عن ملة عبد المطلب. Est-ce que tu vas délaisser la religion de ton grand-père ou de ton père, Abd al-Muttalib? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, qu'il la ilaha illallah. Eux, ils disent l'inverse. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle au tawhid, eux, ils l'appellent au shirk. فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلِمَةٍ وَحِدَ. Ils n'ont pas lâché. حَتَّى il est mort. Et il n'a pas dit cette kalima. Et à cause d'eux, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré qu'il est fin nar. قال ابن القيم وحال بينه وبين أو وحال بينه نعم وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. Une kalima, ça aurait été la cause, il aurait été heureux éternellement. لأنه il serait mort à la tawhid. C'est quoi la cause? C'est quoi? C'est الجلسة فحذر أخي الكريم. Surtout nos enfants. Les enfants, ils sont faibles. Les enfants, ils n'arrivent pas à discerner bon, mauvais. Donc tu les emmènes, ils se mélangent, ils jouent, etc. Fahdhar, de les emmener dans de mauvais endroits. De les emmener dans les églises. Faïda. Hadha rajul, comme on l'a cité dans le premier dars, et c'est lié avec notre mas'ala, souvent il dit ar-rahma, ar-rahma. Lian al-an, pour lui c'est ar-rahma, il faut être miséricordieux, il faut se mélanger. Faïda. من كلام الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا حد الزاني أي celui qui fait الزنا. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il cite la sentence. قال عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. Ar-ra'fa, c'est ar-rahma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul, si la sentence elle est appliquée sur Ha'oula, appliquez sur eux la sentence et n'ayez pas de rahma. Ça nous montre. On va lire le kalam de Cheikh al-Islam. Ar-rahma, ar-rahma. Ar-rahma, la des quyoud. Ar-rahma, c'est par rapport au texte. Falihada, tu trouves beaucoup de hadith, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yaghdab. كان يغضب dès que quelqu'un faisait une ma'siya wa taqaddam ma'ana hadith Aisha كذلك le fait de montrer de mettre en garde في الحقيقة من باب الرحمة فتأمل معي كلام شيخ الإسلام قال رحمة الله عليه في التفسير الكبير وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزنا رأفة. الله سبحانه وتعالى dans le verset clairement on ne doit pas avoir de pitié de miséricorde pour هؤلاء لأن ça va nous empêcher d'appliquer la sentence. ثم قال رحمه الله بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء. ثم يسيت un autre exemple avec le malade. Si on applique, comme certains ignorants, ils disent toujours Ar-Rahma, Ar-Rahma, un malade de tes proches, Rubama, il a besoin d'un médicament et ce médicament, il est imma un mauvais goût, imma il a du mal à l'avaler, imma le médicament lui-même, il lui fait mal au départ. Si tu as de la miséricorde déplacée à ce moment, Rubama, tu ne l'aides pas à boire le médicament. Cheikh al-Islam yaqul, Ar-Rahma, dans ce cas-là, an yu'an ala sharbi dawa. Si tu l'aimes vraiment et tu veux être miséricordieux avec lui, lui faciliter, bi'idnillah azza wa jal, aide-le à prendre le médicament. قال وإن كان كريها même si ce médicament il a un mauvais goût. قال وبهذا تبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله عز وجل. Ça, ça nous montre أن هذه الرحمة على des قيود. Aïe, c'est pas dans tout. Et il y a certaines choses, c'est une rahma, mais en apparence, tu as l'impression que ça fait pas partie de la rahma. Fata'ammal. Thumma qal, Cheikh al-Islam, ba'da dhalik, qal, wa minan nas, ma ta'khuduhu ar-ra'fa bihim, li musharakatihi lahum fi dhalik. Aïe, il a cité avant hada, anna ba'd an-nas, même leurs enfants, min bab ar-rahma, aïe, il faut l'éduquer. Il faut le taper s'il a fait une bêtise. Il faut l'engueuler. Il faut, ba'd, خاصةً الأمهات délaisse-le من باب الرحمة elle dit au père ou le père il dit à la mère ne le frappe pas laisse-le ne l'engueule pas هذا من باب الرحمة في الحقيقة c'est la cause de la mauvaise éducation de cet enfant ربما cet enfant يضيع ويهلك à cause de cette soi-disant miséricorde قال شيخ الإسلام ويتأول أي هؤلاء quand tu leur dis là il faut l'éduquer là il faut parler il faut lui montrer ويتأول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ويقول الأحمق تأمل les termes de Cheikh al-Islam ويقول الأحمق أي compare à un fou celui qui dit هذا الرحمون يرحمهم الرحمن أي il place le délit qui est pas à sa place قول النبي عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن c'est pas en faisant des concessions sur son dîme. C'est pas en se rapprochant des kafaras et dire halas on a de la rahma, on est ouvert, on est tolérant. قال شيخ الإسلام وغير ذلك وليس كما قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل ils ont placé une chose qui est pas à sa place. نعم الرحمة طيب لكن العزم العزيمة في الأمور طيب كذلك. Tout ça avec la rahma et de la hikma. قال شيخ الإسلام فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم يكن مضيعة لدين الله. الله سبحانه وتعالى لام لا ميزيريكورد. Et nous, كذلك, en tant que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que croyants, wallahi, on aime ar-rahma. Et on veut de la rahma pour nos frères. Lakin, pas en faisant des concessions sur din. L'abadan. On délaisse, on déteste pas les kuffars. On se mélange avec eux. On se mélange avec les bid'ah. On dit pas telle chose, c'est haram. Comment yakoul had ar-rajoul? Tout ça, pour qu'on a, on ait l'étiquette de pas, on n'est pas des radicalistes, on n'est pas des salafistes, on n'est pas des terroristes. On n'a pas besoin de hada, nous. Nous, notre aqida et notre manhaj, il démontre, walillahi alhamd, on est les plus loin de ces afkar batila, de Daesh et autres. Lakin, se cramponner, suivre notre din, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. قال شيخ الإسلام بعد ذلك والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها et fait attention à ce adou Iblis عليه لعنة الله Iblis il fera tout pour t'égarer فإن رأاه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة s'il voit certaines personnes ils penchent plus vers الرحمة et ils n'ont pas de force dans certaines choses toujours الرحمة الرحمة ils font des concessions sur leur dîn Iblis, il va les égarer min bab ar-rahma. Wallahi, son enfant, lui-même, sa femme, son entourage, etc., il se fera du mal. Pourquoi ar-rahma ar-rahma? Qala, fa in ra'ahu ma'ilan ila ar-rahma, zayyana lahu ar-rahma, hatta la yubghidu ma abghadahu Allah. Hatta, il va atteindre un niveau tellement que cet homme, il dit ar-rahma ar-rahma, il faut être rahma, il faut être ouvert, il faut avoir le sourire. Kama yaqul hadha ar-rajul Hatta il va atteindre un niveau, anahu, il ne déteste plus ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Hadar Rajul. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Hatta, le premier dars qu'on a fait, il ne faut pas avoir la haine envers les non-musulmans, il ne faut pas les détester. Thumma il a mélangé amour naturel. Jahl wa takhabbut taqaddam. Na'am. Fa il a atteint ma qalahu shaykh al-islam. Fa c'est qui le nasih pour l'umma al-an? C'est هذا الكلام الجيد القوي كلام شيخ الإسلام أو سيتخبط رشيد ووالله نصيحة له أن tu fais exactement يا رشيد tu fais exactement ce que les kuffars espèrent avec ta nouvelle méthode والله tu fais exactement ce qu'ils veulent. كيف هذا؟ Soit t'es avec Daesh, t'es un terroriste etc. Soit tu dois faire des concessions sur ton dîn. C'est exactement ça ce qu'ils veulent les kuffars. Fahoua, quand il a été accusé de radicaliste, de salafiste, etc., il a voulu démontrer qu'il ne fait pas partie de Daesh, ce n'est pas un terroriste. Il avait peur. Madri min Aish. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. La taqaf minhum, ils ne peuvent rien te faire. Lakin huwa, pour s'écarter de tout ça, il faut respecter la tolérance, il faut visiter les églises. J'ai des amis qui font du rock, de la techno, il a akhir. نحن والله نبغض داعش ونبغض التكفيريين من قلوبنا والله on les déteste في الله et eux ils le savent هذا et on déteste leur manhaj et on sait qu'ils ont fait des mafasides كثيرة لكن والله on déteste les kafara كذلك لأنهم on sait les mafasides qu'ils ont fait et on sait les liens qu'ils ont avec certaines personnes et on sait cette siyasa fasida mufsida qu'ils font et on déteste الجميع في الله عز وجل et on déteste l'égarement. Amma, faire des concessions sur notre din, abadan. Aujourd'hui, t'es vivant, demain, t'es tahtu l'ard. Aujourd'hui, tu prétends des choses, demain, tu rendras des comptes. Fata ammal tout ce que tu dis. Réfléchis bien, remets-toi en question, et si c'est batil, on ne désespère pas. On ne désespère pas, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Tawbat at-ta'ib. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, Wallahu yuridu an yatouba alaykum. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Fais attention, أخي الكريم. والله لو تتأمل cette آية, et je parle à tous nos frères et à moi-même, si on médite sur ce verset, il va nous être utile في الدنيا قبل الآخرة. والله يريد أن يتوب عليكم. Allah سبحانه وتعالى il veut ton bien. Allah سبحانه وتعالى il veut te pardonner tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour que tu l'adores et pour te faire entrer le jannah. وَالَّذِينَ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Amma ceux qui suivent le shahawat, min al-kafara, min al-mulhidin, min al-mujrimin. Ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de nabi. Ils suivent le shahawat, ils suivent le hawa. Hal al-kafara. قال وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Ils veulent que tu t'égares. Un égarement واضح. Fais attention, prends tes sources min kitabillah, prends tes sources min sunnati rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on a un niveau faible, on est des débutants pour beaucoup d'entre nous, on revient à ahl al-ilm. Fa'idatun ukhra, pour finir, qala al-hafid ibn Hajar rahmatullah alayhi, wa dhanna ba'duhum anna al-mudara hiya al-mudahana. Et ça c'est un tambih qu'on fait à nous-mêmes et à nos frères et à hadha ar-rajul. وظن بعضهم أن المدارة هي المداهنة. لأن il y a deux choses. Il y a المدارة. المدارة, pour vous expliquer, c'est de, tu fais des efforts, tu as de la hikma pour que tu sois une cause pour guider les autres. Hey, tu as de la rahma, tu as le sourire, tu lui montres tout doucement, etc. مدارة. Et il y a ce qu'on appelle المداهنة. Et بعض الناس s'y mélange. C'est pour ça que مثل هذا الرجل الآن, sa da'wa, elle est basée sur المداهنة. Anahu, il ne faut pas critiquer, il faut se taire. Le respect, la tolérance, occupe-toi de toi-même, il ne faut pas critiquer les autres. On est sur la fitra, t'inquiète pas. Il a akhir. Isma' kalam al-hafid, rahmatullah alayhi. Wa dhanna ba'duhum anna al-mudara hiya al-mudahana fa ghalata li anna al-mudara mandubun ilayha wa al-mudahana muharrama. Amma al-mudara, c'est quelque chose de recommandé. Amma al-mudahana, c'est haram. Qu'est-ce que ça veut dire l'an? Qal wal-furq. أن المداهنة فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. C'est ça المداهنة. مثل هذا الرجل J'ai des amis qui écoutent la techno, j'ai des amis non musulmans, il faut aller visiter les églises, il ne faut pas détester les koufars. Tout ça pour que les gens ne parlent pas sur lui. Tout ça sous couvert de la hikma, on appelle l'islam. T'appelles al-hawa. أما المدارة قال الحافظ والمدارة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الأغلاط عليه حيث لا يظهر ما هو فيه. نعم، on lui montre بحكمة. لكن on se tait pas. On dit pas faut aller visiter les églises là. On dit les nasara c'est des mouchrikoun. Faites attention et on les conseille أنهم adorer Allah سبحانه وتعالى. قال ما هو فيه والإنكار عليه بلطف. تأمل قوله والإنكار عليه. Montre-lui là qu'il est avec tout seul. Hein, avec l'awam, masakin, ils ne savent pas. Avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos cousins, avec nos proches qui n'ont pas beaucoup d'ilm, qui sont dans les ma'as, ils ont faibli. De rifq. Et après, on lui montre, tu lui envoies un audio. Amma, appuyé. J'ai des amis, je les apprécie énormément. C'est pas mimbab al-masiha. Wallahi, khida', khida'. Wallahi, c'est mimbab al-khida' wal-rish. Là, tu ne le montres pas. Ton enfant. Ou toi-même, si un mal qui va te toucher, un frère ou n'importe qui te montre, tu seras reconnaissant comme on l'a expliqué plusieurs fois. Enfin, pourquoi si tu sais le haq, tu ne leur montres pas? Si tu ne sais pas, tais-toi. Qala al-hafidh wal-inkar alayhi bil-lutf al-qawl wal-fi'l wa la siyama idhtija ila ta'allufihi wa nahwi dhalik. Surtout s'il y a un besoin. Qala ibn al-qayyim rahmatullah alayhi fal-mudara li ahli al-iman wal-mudahana les ahl al-nifaq. Al-mudara, c'est parmi les comportements des mu'minines. Ou al-mudahana, ne pas vouloir froisser, se taire, bel s'il y a un intérêt, imma financier ou autre, appuyer certaines choses, ça c'est min a'mal al-munafiqin. On fait attention, wallahi, on n'est pas à l'abri. Enfin, si tu veux changer les choses, fais des efforts. Yannana, on ne rentre pas dans la niya. Robama et Sania, c'est le bien, il veut changer. Si tu veux changer les choses, fais des efforts. Comme tu dis souvent dans tes doros, occupe-toi de toi-même. Enfin, nous, on te dit, occupe-toi de toi-même. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Wallahi, cet engouement, cette notoriété, ces milliers de suiveurs dans les réseaux sociaux et autres, wallahi, c'est une fitna. Ils te seront d'aucune utilité si tu khalif al-haq. Fattaqillah, fais des efforts, fais l'ilm. Reviens à l'ilm. Ne pense pas que tu vas comprendre les madahib. Wallahi, les madahib, ils sont fiwad et tes fiwad. Et on t'a cité dans ces quelques, cette réplique Murtasara, on t'a cité des aqwal de l'imam Malik, fa aina ant. Fais des efforts. La solution, c'est pas, comme a qal marra, fi manchour, qala, au lieu d'être spectateur et de se lamenter, accomplissez votre devoir de citoyen et allez voter. Aha kada qal. C'est pas ça la solution. Ça montre kada alik son djah. Au lieu d'être spectateur et de se lamenter, accomplissez votre devoir de citoyen, allez voter. Wallahi, on ne se lamente pas, walillahi alhamd. Rubama yaqul hada pour ses suiveurs. Amma ceux qui sont à la ilm et qui suivent le manhaj al-sahih, on ne se lamente pas, na'oudou billah. Bel, on a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on patiente et on sait c'est quoi la solution. Contrairement à toi, votez pour qui? Votez pour qui? T'as vu ceux pour qui Kathir min al-Muslimin ils ont voté? T'as vu le mal qu'ils t'ont fait? Le mal qu'ils t'ont fait à toi, il y a beaucoup de musulmans, t'as vu? Enfin, voter pour Ha'oula, na'oud billah. La solution, elle est fait kitabillah. Wa fi sunnat nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jal, wa in tasbiru, wa tattaqu, la yadurrukum kaiduhum shay'a. C'est ça la solution. Patience, taqwa. Taqwa, faire les obligations. À la sunnat nabihi sallallahu alayhi wa sallam. S'écarter des interdits. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Patienter, apprendre, avancer. Celui qui ne peut pas appliquer son dîme, il délaisse cette terre de kufr et incha'Allah ta'ala, la yadurrukum kaiduhum shay'a. C'est pas les élections, tu vas voter pour qui? Pour ceux qui harbent l'adhan ou l'hijab, même le Eid, ils te laissent pas le faire? Na'am. Contrairement à ce qu'il essaye d'expliquer dans des audios, anahum c'est une ni'ma, ils vivent en France. Quelle ni'ma? Ni'ma li annaka, tu connais pas le tawhid. Na'am. Si tu compares notre adoration avec celle de l'ansara, na'am, tu vas pas comprendre grand chose. Al-khatima. On conclut cette deuxième partie. بقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من التمس رضا الله بسخط الله أو من يرتمس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Pourquoi on cite ce أثر؟ لأن مثل هذا الرجل وغيره كذلك أنهم se sont fait du mal. Pourquoi? لأنهم ils ont voulu et ils veulent satisfaire un tel et un tel alors que في الحقيقة ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux doros, ces deux, les deux premières parties qu'on a fait, elles démontrent هذا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, son but c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens ils sont pas d'accord, اليهود النصارى الجهال أهل البدع, même s'ils sont pas d'accord, رضي الله عنه, Allah il est satisfait de lui. Et si Allah il est satisfait de toi, tu fais partie des gagnants. وأفيك توسا وأرضى عنه الناس حتى الصالحون المصلحون يسون داكور أفيك تو et ceux qui sont pas d'accord ils te font aucun mal. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ces مذاهب que Rachid il appelle souvent à je comprends pas certains jeunes pourquoi ils reviennent pas aux مذاهب etc. l'imam الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك. T'arriveras jamais à satisfaire tout le monde. المصيبة أن هذا الرجل il a fait un énorme pas vers les kuffars et il s'écarte de ses frères. الأثبات أهل السنة السلفيون قال رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. Accroche-toi tant que t'es à la haqq. Aujourd'hui t'es vivant, demain tu ne l'es plus, t'auras des comptes à rendre. Et wallahi tous ces kuffars qui te mettent la pression, eux-mêmes, يوم القيامة, ils auront des comptes à rendre. أتأمل هذا. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim yaqul anna ceux qui font des efforts pour satisfaire les gens alors qu'ils désobéissent à Allah, les problèmes qui leur viennent, c'est de ces gens qu'ils essayent de satisfaire. Et vous avez un exemple fait Rachid. Et c'est pas fini. On a Allah subhanahu wa ta'ala al-'afiyah wal hidayah lil jami'. Qala Ibn Qayyim fa ya'ud hamiduhu dhamman wa man athara mardatahu sakhitan. Ceux qui t'as voulu satisfaire, ils vont parler en bien de toi aujourd'hui. Demain, ils t'accuseront. Comme ils ont fait sur lui. Demain, ils t'accuseront. Demain, ils parleront mal de toi. Demain, tu deviendras très vite un salafiste, un intégriste. Très vite, ma'am. قال فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى الثواب إلى ثواب مرضات ربه وصل. نعم. Le but qu'il avait pour satisfaire les gens, il l'a pas atteint. Et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aura pas parce qu'il a désobéi. وقال ابن رجب رحمة الله عليه في كما في تيسير عز الحميد فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب. On doit bien le comprendre هذا. Toutes les créatures qui sont au-dessus de التراب, ils sont au-dessus de la terre, eux-mêmes ils font partie de cette terre. نعم كلكم من آدم وآدم من تراب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب. Comment tu fais passer l'obéissance de cette chose qui elle-même elle fait partie de تراب sur celui qu'a tout créé Allah عز وجل. قال أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب. Comment tu veux satisfaire هذا اليهودي هذا النصراني هؤلاء الجهال الفسق الكفرة en désobéissant et tu risques d'encourir la colère d'Allah عز وجل. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم. Celui qu'Allah سبحانه وتعالى l'humilie, tu trouveras personne pour l'élever, personne pour l'honorer. Ça il faut bien le comprendre. Enfin, nos efforts on les fait في طاعة الله في مرضة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Vouloir satisfaire اليهود والنصارى si والعياذ بالله واحد يpense à ça, tu arriveras jusqu'à ce que tu délaisseras ton دين. فأنصح نفسي وإخواني بالتواضع للحق. Je conseille à moi-même et à tous mes frères التواضع. On soit modeste, on se fait petit devant le حق. فمتى حصل فمن حصل منه زلل أو انحراف فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. On fait attention On fait attention. هذه دنيا فلا تغتر. الأمر إلى لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. On reviendra tous à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait attention de pas gaspiller tout ça. قال الإمام الشوكاني في أدب الطلب رحمة الله عليه ومن الآفات المانعة من الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن أو قليل العلم أو الشهرة بين الناس والآخر بعكس ذلك. Parmi les choses qui empêchent celui qui se trompe ou qui s'égare de revenir au haq, c'est que celui qui l'a conseillé est plus petit que lui en âge. Ou il a moins de ilm. Ou il est moins connu. On fait attention à tawadu' lil haq. Si quelqu'un te conseille bi haq et tu t'es trompé, tu t'es égaré, c'est pas trop tard. Reviens. Qala al-Shawkani rahmatullah alayhi, fa innahu tahmiluhu hamiyatu al-jahiliya wal-asabiyya al-shaytaniya ala al-tamassuk bil-batil. Non, Thomas il s'entête. Thomas il écoute plus. Il croit que son frère qui l'a conseillé lui veut du mal, et il suit Iblis, et il s'égare. فننصح هذا الرجل بالتوبة, et on conseille ceux qui le suivent, الذين اغتروا به, et qui pensent qu'il est à la علم, on les conseille d'écouter. Si c'est حق, prends, et si c'est pas حق, démontre. نعم, كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى, أما se taire, et comme il fait بعض الناس, c'est pas, ça fait pas partie de la rahma, et ils sont jaloux, etc. فهذا لا ينفع ولا يضرنا في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. فهذه c'était la deuxième partie. Et Inch'Allah, on fera une troisième partie des mulahadat par rapport à ces aqwal fi al-fiqh et des choses par rapport au madhahib, annahu kadhalik, il mélange aslahahu Allah. Enfin, on essaiera, Inch'Allah, de faire une troisième partie. Nushan li al-muslimin, wa billahi al-tawfiq.